بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. En ce jour le 28 du mois de Ramadan de l'année 1438 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous venons d'assister à un cours dispensé par notre cheikh Abu Yusuf Adil Sayyid al-Salam al-Misri hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, qui avait pour thème la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلى آخر الآية. Qui avait pour en français comme traduction approximative: quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Et s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi Shaytan, à part quelques-uns d'entre vous. Ce cours, qui avait pour thème l'explication de ce verset du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, un verset dont nous tirons beaucoup d'enseignements. Et comme à notre habitude, avant de faire la traduction, on va faire une brève présentation de notre shir Adil Sayyid, toujours sur la base de la parole de plusieurs parmi les salaf, radhiyallahu alayhim, parmi eux Mohammed ibn Sirin rahimahullah ta'ala, où il disait: inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Donc il convient à tout musulman qui respecte sa religion, à tout salafi qui respecte son manhaj, de savoir auprès de qui il apprend sa religion. Il apprend la science légiférée, la science de la religion. Et il n'est pas permis de s'asseoir devant n'importe qui, devant des personnes qui ne sont pas connues, devant des personnes qui sont, dont on ignore tout d'elles, dont on ignore leur manhaj, leur voie, leur méthodologie. On ignore d'elles s'ils font partie de Ahl Sunnah, s'ils sont salafis, ou si ce sont des gens de l'innovation. Ceci ne t'est pas permis. Et il t'est obligatoire de demander, de rechercher quelle est cette personne qui est devant toi, quelle est cette personne qui fait le prêche, qui fait le sermon du jour du vendredi, si tu vas l'écouter, afin que tu saches si tu peux l'écouter ou non. Quelle est cette personne, cet imam de cette mosquée qui donne des cours au moment où tu penseras à venir t'asseoir auprès de lui et à rechercher la science, ou au moment où il y aura des gens de ton entourage qui penseront à cela. Car ceci n'est pas obligatoire pour tout le monde, c'est-à-dire il n'était pas obligatoire de savoir l'état, le hal de n'importe quelle personne. Des gens qui n'ont rien à voir avec toi, tu n'es pas dans l'obligation de savoir quel est leur état, quel est leur manhaj. Des gens qui se trouvent dans une ville éloignée de la tienne, où tu ne connais personne dans cette ville, pourquoi vas-tu rechercher sur cette personne? Ce n'est pas obligatoire pour toi. Le fait de rechercher sur cette personne, le hal de cette personne, si tu as dans la niya de, dans l'intention de mettre en garde contre elle, de conseiller les gens qui habitent dans cette ville, qui sont autour de cette personne, et bien cette chose-là est une chose louable, très louable. Et comme on l'a déjà rappelé, le fait de mettre en garde contre les gens de l'innovation et du faux fait partie des bases de notre manhaj, le manhaj salafi. Pourquoi? Car comme le rappellent nos savants, les innovations sont en contradiction avec une des deux conditions d'acceptation des adorations. Ces deux conditions qui sont l'ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala dans ses œuvres, et al-mutaba'a, c'est-à-dire le suivi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu œuvres, lorsque tu fais une adoration, il faut que cette adoration réunisse ces deux conditions, le fait que tu l'aies fait sincèrement pour Allah et que tu l'aies fait sur la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les innovations, tout ce qui sort de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-bida', ces choses-là vont en contradiction avec cette deuxième condition qui est le suivi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le suivi de la sunna. C'est pour cela que dans notre manhaj, le manhaj salafi, qui est l'islam véritable, l'islam selon le Coran et la sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum, et bien notre manhaj, ceci, le fait de réfuter les innovations et de mettre en garde contre elles, fait partie d'une des grandes bases sur laquelle est construit ce manhaj. Car si une personne œuvre, fait une œuvre, fait une adoration sincère pour Allah Azzawajal, mais sur une innovation, c'est-à-dire que cette œuvre qu'il aura faite, c'est une innovation, que ce soit une innovation à part entière ou une innovation ajoutée, c'est-à-dire que la base de cette œuvre était une œuvre légiférée comme la prière, mais qu'il prie cette prière d'une manière autre que l'a légiférée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cette action se verra rejetée. Donc c'est pour ça que la guerre contre les innovations et les innovateurs fait partie de la base, une grande base dans notre manhaj, le manhaj salafi. Et nous voyons pour cela que nos savants ne délaissent pas cette base, même pendant le mois de Ramadan. Ce mois béni où nous nous consacrons aux adorations. Pourquoi ? Car ces savants ont compris cette religion, ils ont compris ce manhaj, et ils savent que le fait de réfuter les gens de l'innovation, de les combattre par des écrits profitables, par des audios profitables, le fait de mettre en garde la communauté contre ces derniers, fait partie de la plus grande, d'une des plus grandes des adorations par lesquelles ils se rapprochent vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc à plus forte raison de pratiquer cette adoration pendant ce mois béni, le mois de Ramadan, où les œuvres sont multipliées. Chose que chez les gens de l'innovation, et parfois chez des gens qui ne sont pas des gens de l'innovation mais qui ont certaines erreurs. Par exemple, nous entendons cette chose, le fait que As-Salaf délaissait l'apprentissage de la science pendant Ramadan, il délaissait tout sauf la lecture du Coran, il délaissait tout sauf la prière, il faisait beaucoup de prières, beaucoup de lectures. C'est une vérité qu'il faisait beaucoup de prières, beaucoup de lectures, mais ils n'ont jamais délaissé la science, comme ce qui est rapporté de l'imam Malik. Rahmatullahi alayhi, il n'a jamais délaissé At-Tahdith, le fait de rapporter le hadith, d'enseigner pendant le mois de Ramadan. Cette chose-là n'est pas véridique, elle n'est pas vraie sur l'imam Malik et ni sur autre que lui parmi As-Salaf, radhiyallahu anhu. Mais si certains parmi Salaf le faisaient, c'est une petite poignée d'entre eux, ça ne constitue pas une règle légiférée dans notre religion qu'on doit suivre. Cela ne constitue pas une règle que nous devons suivre, et la personne qui fera cela dit « Je suis en conformité avec le manhaj de Salaf, radhiyallahu anhu. » Le fait qu'une petite poignée d'entre eux aurait fait cela, si cela est véridique, et cela reste encore à prouver. Mais nous voyons que nos savants continuent, et parmi ces réfutations et cette guerre aux gens de l'innovation et l'apprentissage du manhaj salafi, de l'islam véritable à leur communauté, nous voyons par exemple ces appels que nous faisons depuis des années, pendant le mois de Ramadan, un petit peu avant, aussi un petit peu après, et ces appels qui tentent à mettre en relation les jeunes de cette communauté avec leurs savants, les jeunes, quand je dis les jeunes, puisque c'est la majorité, mais les jeunes comme les vieux, les gens de la masse en général, avec leurs savants, des savants salafis qui sont connus pour la viabilité de leur manhaj, de leur méthodologie, et mettre en relation avec eux afin qu'ils leur dispensent des cours, qu'ils leur apprennent le manhaj, qui est la base de cette religion, le manhaj, qui englobe donc la méthodologie des pieux prédécesseurs, comment étaient-ils dans leurs croyances, dans leurs adorations, comment étaient-ils dans leur comportement, comment étaient-ils dans leur cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous voyons donc ces appels que nous avons régulièrement, tous les jours, tous les deux jours, avec nos savants, ces savants du monde entier que nous appelons, afin de nous rendre compte de la véracité, du très véridique, de l'envoyé d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit dans le sens approximatif de ses paroles, qu'il ne, restera, ou il restera toujours un groupe de ma communauté sur la vérité, qu'ils seront apparents sur cette vérité, qu'ils combattront sur cette vérité et pour cette vérité, eh bien, nous trouvons dans ces appels que nous faisons avec des savants du monde entier, des grands étudiants du monde entier qui sont sur ce manhaj, as-salafi al-wadiha, nous trouvons la parole de notre prophète, cette dernière parole que je viens d'évoquer, véridique, car dans l'ensemble de ces pays, nos pays, les pays musulmans, il y a des gens, parfois ils sont beaucoup, comme dans المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والسنة حرسهم الله où il y a plus de savants que dans d'autres pays comme par exemple le pays du Soudan, le pays de Sheikh Nizar Al-Abbas حفظهم الله, le premier que nous avons appelé cette année, où ils sont en minorité, les savants de la Sunna. Mais nous pouvons trouver, nous trouvons dans cela la véracité de la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura toujours un groupe de sa communauté qui seront sur cette vérité, qui combattront et qui seront visibles, qui seront apparents et qui montreront cette vérité aux gens et qui appelleront à cette vérité, qui combattront les innovations et le faux. Et parmi ces personnes-là, نحسبه كذلك والله حاسبه ولا نزكيه على الله, notre cher Adil Sayyid Abd Salam Al-Misri, que nous avons appelé aujourd'hui, donc notre Cheikh Abu Yusuf Adil Sayyid, qui est un des savants d'Égypte, un des savants d'Égypte, car ce sujet, c'est le sujet que nous traiterons dans le prochain cours. Je vous l'avais promis depuis le début des appels et à chaque fois on a reporté, car pour une certaine raison, une raison qui me regarde, que nous allons vous détailler la différence. Une chose qui est très importante à connaître pour vous, pour tous salafis, la différence entre le savant, le grand savant, le grand étudiant en sciences, celui qui ne fait pas partie des étudiants en sciences, aussi le fait de mettre chacun à sa place sans fanatisme, sans s'accrocher à cette personne du fait qu'elle n'est de notre pays, que c'est lui qui nous enseigne, que nous sommes proches de lui ou pas proches de lui, qu'il est de notre pays ou d'un pays que peut-être nous avons des différends avec ce pays pour telle et telle raison, chose qui est purement et simplement du fanatisme, comme nous l'avons traité l'année dernière sur des cours ou pendant une série de cours avec notre cher Cheikh Khalid Abou Abdel A'la, et ces cours sont disponibles sur le site sur le fanatisme. Ce sujet-là, nous allons le traiter au prochain cours, ou la prochaine traduction, qui sera la traduction du cours d'avant-hier, le cours qui était dispensé par notre cheikh Khalid Abou Abdel A'la sur les dévoilements ou sur le dévoilement de la relation entre les Rawafid et l'Ikhwan al-Muslimin, la secte des frères musulmans. Ce cours qui a été dispensé il y a deux jours par notre cheikh Khalid Abou Abdel A'la, avec lui il y avait notre cheikh al-Walid Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna, qui a donné aussi une allocution après celle de notre cher Cheikh Khalid, qui sera traduite aussi. Nous allons la traduire le lendemain du jour du Eid, Eid al-Fitr. Et si l'Eid c'est dimanche, eh bien nous traduirons ce cours lundi. Et si l'Eid est lundi, eh bien nous traduirons mardi aux alentours de 15h, de 15h ou 16h. Donc tout cela, ce sera mis sur le site Ahludik, les frères d'Ahludik mettront ça sur le site et sur la chaîne Telegram Barakallahu Fikoum, qui est un cours qui est très important. J'ai commencé la traduction l'autre jour pour donner un avant-goût de la traduction du cours, un cours qui est très important sur le dévoilement des ambiguïtés qu'il y a entre de la relation, qui est une relation très étroite entre les frères musulmans, la secte des frères musulmans et la secte de Shia Ar-Rafida. Et un cours qui est très important où le Shir explique quelques points de la croyance de Ar-Rawafid, aussi des points de la croyance du Manhaj des frères musulmans, et la relation qui est une relation très étroite entre ces deux-là, et le fait que ce sont des grands ennemis de l'islam, ces deux sectes très dangereuses et qui sont des grands ennemis de l'islam. Et le Shir a détaillé cela, j'avais commencé à le traduire l'autre jour, vous trouverez cela bientôt sur le site et sur la chaîne Telegram, l'introduction et le début de la traduction et la traduction entière, qui était un cours très important, un cours rempli de savoir sur ces sujets qui sont des sujets qui ne sont très peu traités, qui sont très généralement très peu traités ici en France ou dans ces pays francophones qui nous écoutent. Donc quelque chose qui est très important, comme je l'ai expliqué, du fait qu'il y a des centres qui pullulent, des centres de ces gens d'innovation qui pullulent dans ces pays, ici en France comme le centre Zahra ou Fatima Zahra sur Paris, un centre qui est un centre chiite, aussi les centres comme le rassemblement annuel des frères musulmans qui se trouve au Bourget. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est un rassemblement de frères musulmans dans la ville du Bourget. Toutes ces mosquées, toutes ces personnes qui suivent ce manhaj ici en France, comme un imam de la mosquée de Vigneux, Mohamed Badj Raphaël, qui est quelqu'un de très dangereux, aussi un autre imam de Savigny-sur-Orge qui s'appelle Islam Ibn Ahmed, qui est très dangereux aussi, des gens comme Hassan Iqhoussen ou Iqhoussen, je ne veux pas dire une mauvaise chose sur son nasab, sa généalogie, donc sur son nom, pour ne pas écorcher son nom, il écrit en français Iqhoussen, qui est quelqu'un de très dangereux aussi Rachid Haddash, aussi Mustafa Kastit, aussi Tariq Ramadan et son frère Hani Ramadan, aussi Mounir Ismail et son frère Farid, qui étaient de longs jumeaux, tous ces gens-là qui sont sur cette voie, ou qui tendent à cette voie, la voie des frères musulmans, qui était une secte très dangereuse. Et on évoquera certains de leurs noms, de leurs têtes, comme par exemple le Qaradawi. Le Qaradawi, Qaradallahu Fatahu, ainsi d'autres personnes donc, de cette secte qui sont connues dans le monde musulman. Aussi Bachir Al-Tunsi, qui était ici, Al-Tunsi, qui était ici en France et qui est maintenant là-bas en Tunisie. Bachir Hassan Al-Tunsi, qui fait partie de cette secte, et beaucoup de gens. Et c'est pour cela qu'on vous. J'ai mis vraiment l'accent sur cela. Le cours était très bénéfique, était rempli de savoir sur ces deux sectes-là, afin que nous puissions nous préserver d'elles et mettre en garde contre ces dernières. Donc, vraiment, quelque chose de très important de suivre la traduction de ce cours. Vous trouverez ça sur le site et sur la chaîne Telegram. Donc, on va commencer la traduction du cours d'aujourd'hui. Notre cher Adil Sayyid, qui fait partie de nos savants d'Égypte. Adil Sayyid Abd Salam, qui fait partie de nos savants d'Égypte, que les savants ont dit de lui que c'était un savant, donc c'est bien ça la règle à suivre, qu'on aura l'occasion de mieux détailler dans la prochaine traduction, le fait qu'on ne dit pas d'une personne que c'est un savant, du moment qu'on n'a pas entendu des gens qui sont eux-mêmes des savants, connus et reconnus pour être des savants, dire de telle ou telle personne que c'est un savant. Et aussi, lorsqu'une personne est une personne connue pour être un shir parmi les mashir de Da'wa Salafiyya qui est connu et que les gens connaissent, il ne te convient pas non plus, même si tu n'as pas entendu quelqu'un dire de lui que c'est un savant, de t'avancer en disant ce n'est pas un savant. Le fait de dire que ce n'est pas un savant, à ce moment-là, tu te seras avancé. Toi, tu dis ce que tu sais. Je n'ai entendu personne dire de telle personne que c'est un savant. Là, à partir de là, tu ne te seras pas avancé. Et comme on dit, Adamul ilmi laysa ilman bil adami. Le fait que tu n'aies pas une science, ce n'est pas une science de ce qui n'est pas. C'est-à-dire que toi, tu ne saches pas, que tu n'as pas la science, que cette personne-là est un savant, eh bien, ça ne fait pas de cette personne-là quelqu'un qui n'est pas un savant. Si vous comprenez bien cette règle. Le fait que tu ne saches pas que les gens de science ont dit de telle ou telle personne que c'est un savant, ça ne fait pas de lui une personne qui ne rentre pas dans le rang des savants. Plutôt, c'est ce que tu sais. Ce que tu sais, c'est que tu n'as rien entendu sur cette personne comme étant un savant, mais peut-être que autre que toi l'ont entendu, peut-être qu'il a été dit de lui que c'est un savant. Cela, on le traitera plus en détail dans l'introduction de la traduction du prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, quelque chose qui est très important pour le salafi qui fait partie des grandes règles de son manhaj. Donc notre cheikh Shir Adil Sayyid, qui est parmi nos savants en Égypte, disent de lui que c'est un savant parmi eux, notre cheikh et notre père, Al-Walid Hassan Ibn Abdul Wahhab Al-Banna, hafidhahullah ta'ala, qui dit de lui, Al-Shir, Al-Alim, Al-Usuli, Al-Mufassir, Adil Sayyid. Donc comme ça, notre Shir, nous avons l'habitude de l'entendre, l'appeler Shir Adil Sayyid, donc il le caractérise, comme étant un savant, par le fait que c'est un savant, par le fait que c'est un savant dans la science du tafsir, aussi un savant dans les bases de la jurisprudence, qui est un très grand éloge de la part de notre Shir, Al-Walid Hassan ibn Abdul Wahhab Al-Banna hafidhahullah ta'ala wa matta'a bihi. Notre cher Adil Sayyid, qui a étudié chez les savants d'Égypte, parmi les anciens de cette association qui est Jamaiyat Ansar al-Sunnah, qui a été construite par Mohamed Hamid al-Fiqi, qui était un grand savant de ce siècle dernier, qui était un grand savant même en Arabie Saoudite. Les savants d'Arabie Saoudite lui reconnaissent cela, le fait qu'il faisait partie des grands savants, lui aussi avec le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, faisait partie des fondateurs aussi de Ansar al-Sunna, aussi avec Cheikh Abdurrahman al-Wakil, et autres que eux, Rahmatullahi alayhi, parmi eux aussi Abdur Razzaq, Cheikh al-Allama Abdur Razzaq, Afifi, qui fait partie des savants et des professeurs de l'ensemble de nos grands savants au jour d'aujourd'hui, et qui étaient les fondateurs de cette association, qui est l'association de Ansar al-Sunna al-Muhammadiyya, là-bas en Égypte, qui était celle qui était construite sur As-Salafi al-Wadiha, qui est appelée à elle au départ, et qui au jour d'aujourd'hui a été corrompue par les gens de l'innovation. Donc dans la plupart, la grande plupart de ces ramifications en Égypte, nous ne pouvons pas dire que cette association était une association salafia, mais plutôt que c'est une jam'iyya, une association hizbiyya, et elle est connue pour cela, et nous savons mettre en garde sur elle. Et s'il y a un seul endroit qui se démarque de cela, c'est la ramification al-Fara de la rue Abidine, celle qui est au centre du Caire. Et celle-ci, le directeur de cette ramification, c'est toujours notre cheikh Cheikh Hassan ibn Abdullah al-Banna. Il y a certains parmi nos mashayikh qui en font encore partie. Et notre cheikh Cheikh Adel Sayyid, encore jusqu'à l'année dernière, en faisait partie, mais il s'est détaché d'elle à cause de tous les problèmes qu'il y a là-bas. Et ceux qui patientent parmi nos savants encore dans cette ramification, et seulement cette ramification, et qui n'ont aucun lien avec les autres ramifications de Ansar al-Sunna, vraiment aucun lien, et plutôt leur font des réfutations ouvertement, et ils les combattent ouvertement par des écrits et des audios, et qu'ils ne s'assoient jamais avec eux, ni autre que cela, eh bien, cette ramification qui est la place de Abidin au Caire, où il y a encore des cours de notre cheikh Cheikh Adil Sayyid, malgré qu'il ne fait plus partie de l'association, aussi de notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, et autres que parmi des mashayikh salafi qui donnent des cours là-bas, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, il a étudié chez les mashayikh de cette association, Jama'at Ansar al-Sunna, parmi les anciens qui étaient sur la Sunna, parmi eux cheikh Ahmed Fahmi, rahmatullahi alayhi, parmi aussi Cheikh Abdurrahman Nada, rahimahullah ta'ala, qui est mort l'année dernière, qui était l'ami intime de notre Cheikh Al-Walid Hassan ibn Abdullah al-Banna. Aussi notre Cheikh Cheikh Adil Sayyid a étudié, comme l'ensemble des savants d'Égypte au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des savants et de leurs étudiants dont nous faisons partie, qui ont étudié chez notre Cheikh Al-Walid Al-Allama Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouq Al-Banna, hafidahullah ta'ala, que nous avons eu, que nous avons depuis des années au téléphone, et qui nous fera une allocution, inshallah, après le mois de Ramadan, qui aussi a donné une allocution après celle de notre Cheikh Cheikh Khalid il y a deux jours, qui sera traduite le deuxième jour le lendemain du jour de l'Aïd, comme nous avons dit. Et c'est le plus important aussi dans ce que nous avançons, qui sont ceux qui mettent en avant donc cette personne et qui lui le recommandent et qui lui font test qu'il y a. Notre Cheikh Cheikh Adel Sayyid, il y a nos savants en Égypte comme Cheikh Hassan à leur tête, Cheikh Salafine Al-Walid, Cheikh Hassan qui le recommande, qui dit du bien de lui, comme il a été dit précédemment aussi. Notre Cheikh Cheikh Khalid Abou Abdel A'la, qui est son ami intime aussi, qui le recommande, Cheikh Adel Sayyid, aussi Cheikh Khalid Abdurrahman, et autres que eux, Hafidahumullah, qui recommandent notre Cheikh Cheikh Adel Sayyid. Il y a aussi des grands savants à l'extérieur, comme Cheikh Rabia, qui le connaît, qui dit du bien de lui, Cheikh Adel Sayyid. Aussi, Cheikh Al-Allama Rabia, l'imam Rabia ibn Hadi al-Madkhali, imam al-Jarh wa al-Ta'dil fi zamanina hadha. Donc, sa recommandation est un grand poids au jour d'aujourd'hui. Aussi, ce grand savant, un grand savant de la ville de Médine, Cheikh Abdurrahman ibn Salih Muhiddin, Hafidahullah Ta'ala, qui recommande notre Cheikh Cheikh Adel Sayyid, qui le connaît, qui le recommande, Hafidahullah Ta'ala, et autres que ces derniers. Nous demandons à Allah Azzawajal qu'il les préserve tous. Notre Cheikh a commencé ce cours qui avait pour thème cette parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on le rappelle, dans le sens approximatif de ces paroles, le verset numéro 83 de Sourate An-Nisa, les femmes, la Sourate numéro 4. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Et s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût-ce été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le shaitan, à part quelques-uns d'entre vous. Ce verset, qui était la base de... qui était le titre de ce cours et qui était la base de ce cours, avant de commencer l'explication de ce dernier, notre cheikh a commencé son cours par une introduction qui était sur la base de cette parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, où il dit « Dit ceci, le Coran provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. » Le cheikh nous dit qu'il commence ce cours par ce verset et il loue Allah Azza wa Jal de nous avoir réunis pour ce cours, à parler de son livre, ce cours autour d'un verset, de l'explication d'un verset contenu dans son livre, le Coran. Et ceci, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, dans le sens approximatif de ce verset, voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Et le shirk de nous dire que Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé sa grâce en nous faisant descendre, en faisant descendre sur nous, sur cette communauté, sur le prophète, le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son livre puissant qui est le Coran, et nous a fait descendre cette immense législation qui est la législation islamique, afin que nous l'adorions et que nous nous rapprochions de lui et que nous l'adorions de la meilleure des manières, de la manière qu'il a légiféré et qu'il a agréé pour nous, tabaraka wa ta'ala. Et le Coran nous a informé et nous a orienté sur la meilleure manière ou vers la meilleure manière d'adorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, la meilleure manière ou la manière véridique et véritable de croire en lui tabaraka wa ta'ala. Le shir de nous dire que ce n'est pas cela simplement, mais il nous a aussi orienté vers les meilleurs comportements et les plus hauts comportements. Et le shirk de nous dire qu'à travers notre étude de ce livre, l'étude du Coran, nous trouvons que ce dernier n'a rien laissé, n'a pas laissé la place à la conjecture. Le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas laissé la place à la conjecture, comme cela Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le sens approximatif de ses paroles, maudits soient les menteurs. Il nous dit aussi dans un autre verset, tabaraka wa ta'ala, ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Il dit aussi dans un autre verset, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, ils diront, ils étaient trois, et le quatrième était leur chien. Et ils diront, en conjecturant sur leur mystère, qu'ils étaient cinq, et le sixième étant leur chien. Et ils diront sept, le huitième étant leur chien. Dis, Allah Azza wa Jal, s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre, il n'en est que peu qui le savent, ne discute pas à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne. Tous ces versets que notre shir, Hafidhahullah ta'ala, a cités, ces versets où Allah azza wa jal blâme les menteurs, ceux qui suivent la conjecture, ceux qui suivent le doute et qui ne suivent pas une preuve claire venue de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et le shir de nous dire que lors, à travers notre étude du livre d'Allah, nous voyons ceci, le fait qu'Allah azza wa jal n'a laissé aucune place à la conjecture et au doute, et que la méthodologie suivie dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala pour mettre en avant les preuves l'utilisation des preuves et le fait de s'enquérir des nouvelles dans notre religion, s'enquérir de la véracité d'une nouvelle dans notre religion est très clair. Et la base de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette sourate qui est sourate al-hujurat, les appartements, qui est la numéro 49 dans le verset numéro 6, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ses paroles, ô vous qui avez cru, si un fasiq, c'est-à-dire un pervers, communément traduit par le mot pervers, vous apporte une nouvelle, nous pouvons trouver une traduction qui dira élucidez-la, une autre traduction qui dira enquérissez-vous de la véracité de cette nouvelle, enquérissez-vous de cette dernière, de cette nouvelle. Donc, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, élucidez-la, enquérissez-vous de sa véracité, que par inadvertance vous ne portiez, ou de crainte, c'est-à-dire, enquérissez-vous de la véracité de cette nouvelle, de crainte à ce que, par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens, et que vous ne le regretteriez, ne le regrettiez, par la suite. Et le shir de nous dire que ce verset de cette sourate, les appartements, est une base dans cela, de ce qu'il a évoqué auparavant, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre nous a enseigné la voie à suivre lorsque nous utilisions des preuves venues de ce dernier, de son livre, et lorsque nous nous enquérissons de la véracité des informations qui nous sont rapportées. Et le shir de nous dire que cette sourate, sourate al-hujurat, les appartements, est une sourate qui à travers cette dernière, Allah Azza wa Jal nous apprend et nous éduque sur les meilleurs des comportements. Donc, ce que veut dire le shir ici, c'est que beaucoup de grands et bons comportements sont détenus dans, ou sont détaillés dans cette sourate. Le shir de nous dire que, ici, dans ce verset de sourate al-Hujurat, Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in. Ô vous qui avez cru, lorsqu'il vous vient un fasir, c'est-à-dire un pervers, comme nous l'avons dit, avec une naba, une nouvelle, ou une information. Et le shir de nous dire que un naba, dans la langue arabe, c'est l'information importante. C'est une information importante, un naba. Et le shir de rapporter après cela, hafidhahullah, la parole de al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Adhkar, où il dit et sache que dans la voix des gens de la sunna, Al-Kadib, c'est-à-dire le mensonge, c'est le fait d'informer ou de donner ou de rapporter une information à l'inverse de ce qu'elle est réellement. Dans le sens approximatif de ces paroles. Donc le mensonge, c'est le fait de rapporter une information d'une manière autre que ce qu'elle est réellement. Ou à l'inverse de ce qu'elle est réellement. Et que cette information ait été rapportée de cette manière que la personne qui a rapporté cette information de cette manière l'ait voulu ou ne l'ait pas voulu, a voulu mentir, l'a voulu, donc a rapporté cette information impunément, que la personne qui aura rapporté cette information en ayant menti dans celle-là, qu'il ait voulu cela, le mensonge, ou qu'il ne l'ait pas voulu. Dans tous les cas, dans la langue arabe, on appelle ça un kadhib, un mensonge. Et An-Nawawi rahmatullahi alayhi dit que s'il l'aura fait avec ignorance, c'est-à-dire qu'il n'aura pas voulu le mensonge, il n'aura pas cherché à mentir, plutôt il l'aura rapporté comme cela par erreur, et bien celui-là sera excusé par son ignorance, par son erreur. Mais, ou pour son ignorance ou pour son erreur, mais lorsque il le rapportera en ayant voulu changer cette nouvelle, en voulant le rapporter de cette manière qui est l'inverse de ce qu'elle est réellement, eh bien, à partir de là, il ne sera pas excusé, ce sera celui-là le menteur. Mais dans tous les cas, dans la langue arabe, on appelle ça un kadhib, un mensonge. Et le shir de nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette tradition, dans ce hadith, il suffit à une personne pour tomber dans le mensonge de rapporter tout ce qu'il entend. Et le shir de nous dire, car d'expliquer ce hadith par le fait que lorsque tu rapportes tout ce que tu entends, eh bien il y a beaucoup des choses que tu vas entendre qui seront du mensonge. Ou il y aura en tout cas une partie des choses que tu entendras qui sera du mensonge. Et toi, si tu rapportes toutes ces choses sans t'enquérir de la véracité de ces paroles, de ces informations que tu rapporteras, eh bien, sans aucun doute, il y aura des paroles que tu rapporteras qui seront un mensonge. Même si une partie des paroles sera une vérité, mais du fait de que tu seras quelqu'un qui rapporte tout ce que tu entends, il y aura forcément des choses que tu entendras qui seront un mensonge. Et c'est quelque chose qui est connu, surtout dans notre temps, le fait qu'il y a beaucoup de mensonges. Et si tu suis ce comportement, qui est un comportement blâmable, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé, le fait de rapporter tout ce que tu entends, et bien à partir de là, tu tomberas dans le mensonge sans aucun doute. Le shir veut me dire que dans ce verset, le verset de Sourate Al-Hujurat, Allah tabaraka wa ta'ala a dit يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Et dans une autre lecture, فتثبتوا. Et le shir nous explique ces deux termes. تثبتوا et تبينوا. Et la différence entre ces deux termes. Et le shir veut nous dire que ceci sont deux lectures différentes du Coran. Et comme vous le savez, le Coran a plusieurs lectures et plusieurs manières de le lire. C'est le Coran comme il est, mais parfois nous trouvons certains mots qui peuvent changer. C'est-à-dire que les points qui sont sur les lettres, vous savez que la langue arabe s'écrit avec des points. Les points qui sont sur les lettres peuvent changer. C'est-à-dire que entre la lettre ta et la lettre tha, il y a un point de différence, c'est-à-dire que la lettre ta, vous l'écrirez avec deux points sur ce qu'on appelle le nabra, et la lettre Tha, vous l'écrirez avec trois points. Donc, à la base, quand ils écrivaient le Coran, il n'y avait pas de points diacritiques, comme on dit, comme ils traduisent communément en français, les points diacritiques. Eh bien, ces points-là n'existaient pas. Et au moment où les savants de cette communauté, sur la divergence qu'il y a sur qui est cette personne qui a écrit les points en premier, qui a écrit les comme ils disent, les voyelles, c'est-à-dire al-tashkil, al-fatha wa-dhamma wa-kasra, eh bien, il y a une divergence. Mais l'important ici, c'est de savoir que lorsqu'ils ont fait cet effort d'écrire cela, eh bien, dans certains, ils l'auraient écrit comme ils l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabayyanu wa tasabbatu. Si vous regardez le mot et vous effacez tous les points diacritiques qu'il y a dessus, vous verrez que c'est le même mot. Tasabbatu wa tabayyanu, c'est le même mot. Si vous effacez tous les points diacritiques. Et au moment d'écrire les points diacritiques, en fonction de la sahaba, comment ils l'auront écouté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment ils l'auront transmis à tabi'in et atba' tabi'in, eh bien, ils auront mis les points diacritiques à tel endroit ou à tel endroit, ce qui donnera fatasabbatu wa tabayyanu. Et le shir de nous dire que le fait qu'il y a beaucoup de lectures, c'est quelque chose qui donne une richesse au sens du Coran. Ceci donne une richesse au sens du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est Allah azzawajal qui a révélé donc toutes ces lectures-là. Et c'est Jibril alayhi salam qui, lorsqu'il transmettait le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le faisait lire de cette manière ou de cette manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseignait, le faisait lire à al-sahaba de telle et telle manière. Et le fait que, donc, comme le shirk nous le dit, qu'il y a beaucoup de lectures différentes, c'est une chose qui donne de la richesse au sens du Coran. Et ce sont des sens qui sont qui ne vont pas à l'encontre les uns des autres, comme nous le dit le shirk. Ce sont des sens qui ne sont pas contradictoires, mais plutôt qui donnent, comme il a dit donc le shirk, une richesse à ces sens, qui élargissent les sens donnés par tel et tel mot, mais qui ne sont en rien contradictoires. Et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces versets, et si il venait donc ce Coran d'une autre personne ou d'un autre qu'Allah, ils auraient certes trouvé beaucoup de divergences dans ce dernier, dans le Coran. Le shirk de nous dire que tasabbatu, la lecture où Allah Azza wa Jalla dit tasabbatu, eh bien, cela, c'est-à-dire tasabbatu, c'est le mot qui est traduit par le fait de s'enquérir de la vérité de la nouvelle. Tasabbatu wa tabayyanu, enquérissez-vous de cette nouvelle. Eh bien, tasabbatu, c'est dans al-isnad, c'est-à-dire dans la chaîne de transmission. Et tabayyanu, c'est dans al-matn, c'est-à-dire l'information en elle-même. C'est-à-dire que le shir nous explique comme cela, d'après certaines exégèses du Coran, où Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit « Ya ayyuha alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » et dans une autre lecture « fatasabbatu », donc dans le sens approximatif de ces paroles au vous qui avez cru, lorsqu'il vous vient un pervers, ou si il vous vient un pervers avec une nouvelle, ou si un pervers vous rapporte une nouvelle, élucidez-la, enquérissez-vous de la vérité de celle-là, et bien c'est ce mot, élucidez-la, ou enquérissez-vous de la vérité de cette nouvelle. Ce qui est voulu ici, c'est que parfois, quand on le lira tasabbatu, c'est quelque chose qui est spécifique à la chaîne de transmission, donc les gens qui rapportent cette nouvelle. Donc c'est un ordre pour vous de vous enquérir de la vérité, de chercher, d'élucider, de chercher dans la chaîne de transmission, dans les gens qui rapportent cette nouvelle. C'est toi qui me l'as rappelé, je veux savoir de qui tu l'as entendu, de qui il l'a entendu, de qui il l'a entendu. Et dans cette autre lecture qui est tabayyanu, le shir nous dit que tabayyanu, c'est dans al-matn, c'est-à-dire l'information en elle-même. Donc à partir de là, si une personne, un pervers te viendra et te rapportera une nouvelle, tu chercheras sur la nouvelle en elle-même, d'où vient cette nouvelle, par rapport à la vérité de cette nouvelle, et de chercher et de t'enquérir de la vérité de cette dernière. Et le shir de nous dire qu'il est possible qu'une nouvelle soit, une information soit véridique en ce qui concerne son information en elle-même, c'est-à-dire le texte de cette information. Le texte est véridique, mais la chaîne de transmission n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on trouve dans la chaîne de transmission des gens qui sont des menteurs. Et à partir de là, cette information ne peut pas être acceptée de nous, même si l'information en elle-même peut être véridique, c'est-à-dire qu'on prendra cette information véridique avec une autre chaîne de transmission d'autres personnes qui la rapporteront aussi, mais ces gens, ces rapporteurs de cette chaîne de transmission seront des personnes véridiques, ce ne seront pas des pervers, ce ne seront pas des menteurs. Et le shirk de nous rappeler cette parole qui est la parole de l'imam Al-Si'adi rahimahullah ta'ala dans son tafsir, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, dans l'explication de ce verset, qui est le verset numéro 6 de Surat Al-Hujurat, il dit cela aussi, fait partie de l'imam Sa'adi dit, dans le sens approximatif de ces paroles, cela aussi fait partie des règles de bienséance que les gens doués d'intelligence et sensés doivent adopter et utiliser. En effet, lorsqu'un homme pervers vous apporte une nouvelle, ils doivent, c'est-à-dire ces gens d'intelligence, doués d'intelligence et de raison, doivent s'assurer du bien fondé de cette nouvelle et ne pas la prendre pour argent comptant, car il y a là un grand danger et un risque de commettre un péché. En effet, si cette fausse information est considérée comme étant vraie et fondée, et qu'on agit selon ce qu'elle implique, le mal que cela peut provoquer pour les personnes et les biens risque d'être considérable et d'entraîner des regrets tardifs. Aussi, il est impératif, lorsqu'on reçoit une information qui émane d'un pervers, de s'assurer de son bien fondé et de son authenticité. Si les indices et les preuves indiquent qu'elle est authentique, on l'accepte et on agit en conséquence. Mais s'ils indiquent qu'elle est fausse, on l'infirme, c'est-à-dire qu'on la rend infirme, on dit qu'elle n'est pas véridique et on la rejette. Ce verset prouve que lorsqu'une information est rapportée par un homme sincère, elle est acceptée, et lorsqu'elle est rapportée par un menteur, elle est rejetée. Et le shirk de nous dire que celui qui s'enquérit de l'authenticité d'une nouvelle, celui-là, il ne regrettera jamais. Et le shirk, donc ici, nous évoque aussi une partie du tafsir de Al-Si'adi, rahmatullahi alayhi, où il dit que Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré, donc le shirk rapporte une parole de l'imam Sa'adi dans le sens ici, Shir Adil Sayyid, hafidahullah, où Allah Azza wa Jal dans ce verset nous a orienté vers le mal que cela pouvait commettre. C'est ce mal qui a été évoqué ici dans ce verset, où Allah Azza wa Jal dit, oh vous qui croyez, si un homme pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la teneur, vérifiez l'authenticité de celle-ci, de crainte de faire du tort à des innocents par ignorance. De crainte de faire du tort à des innocents par ignorance. C'est bien cela, le mal que cela pourrait apporter, et d'en éprouver ensuite des remords. Et comme nous le dit le shir, que celui qui se sera enquéri de l'authenticité d'une nouvelle, celui-là n'aura jamais de remords. Et comme cela, le shir nous dit que les savants ont donné deux conditions en ce qui concerne l'acceptation d'une nouvelle rapportée par un rapporteur. Ils ont donné deux conditions dans le rapporteur lui-même. Que ce rapporteur soit quelqu'un de bonne mœurs, quelqu'un de juste, de bonne mœurs, adl, et qu'il soit quelqu'un qui aille un dhabt, c'est-à-dire qu'il soit minutieux sur la manière de rapporter ces nouvelles. Et le shir de nous dire comme cela, les savants du hadith faisaient des examens et des épreuves, ils faisaient des épreuves qui sont des épreuves difficiles aux gens qui rapportaient les nouvelles, afin de savoir si ce sont des gens qui sont juste, de bonne mœurs, et aussi à savoir si ce sont des gens qui sont minutieux au moment de rapporter la nouvelle. Et le cheikh de nous rappeler dans cela la parole de ce grand savant parmi At-Tabi'in qui est Abu Zinad, où il disait, dans un sens approximatif de ses paroles, qu'il a vécu avec un grand nombre de personnes parmi les Sahaba ou les Tabi'in, pardon, à Médine. Il a vécu avec un grand nombre de personnes qui avaient pris de les Sahaba parmi les Tabi'in dans la ville du prophète Mohammed à Médine. Et l'ensemble d'entre eux, ce sont des gens justes, de bonnes mœurs. Mais il n'y a pas l'un d'entre eux, ou il n'y a pas beaucoup d'entre eux en tout cas, de qui nous prenons le hadith. Pourquoi ? Comme nous le dit le shir, car cela n'était pas minutieux lorsqu'il rapportait le hadith. C'était des gens de bonnes mœurs, de qui nous avions confiance, comme nous le dit le shir, mais c'était des gens qui n'avaient pas cette minutie au moment de rapporter le hadith. Et le shir de rapporter aussi une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles où il dit rahmatullahi alayhi que beaucoup de ceux qui rapportent les informations, ce qui est voulu par dans leur intention, c'est-à-dire leur intention n'est pas de mentir, mais c'est quelque chose qui est difficile pour eux d'être minutieux dans cette parole qu'ils vont rapporter. Et parfois, c'est impossible même pour eux d'avoir cette minutie, c'est-à-dire de la rapporter de la manière dont ils l'ont entendue. Et leur intention, à la plupart d'entre eux, comme nous le dit Cheikh al-Islam, ou à beaucoup d'entre eux, ce n'est pas de mentir et de le rapporter d'une autre manière que celle dont ils l'ont entendu. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua pour la personne qui rapportera ce qu'il a entendu de lui, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il fait ce dua qui est dans le sens approximatif de ses paroles, que Allah illumine le visage, ou que Allah illumine une personne qui aura entendu ma parole et qui l'aura rapportée comme il l'a entendu. Et dans une version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et peut-être que celui qui rapportera cette science ne sera pas quelqu'un qui aura lui-même la science. Et dans une autre version aussi, le shir nous dit que peut-être que celui qui rapportera cette science, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la rapportera à quelqu'un qui aura plus de science que lui, ou qui la comprendra mieux que lui. Ensuite, le shir commença l'explication de ce verset qui est le thème du cours d'aujourd'hui, qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles dans Surat An-Nisa, les femmes. Le verset numéro 83 où il dit « Quand il leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des détenteurs du commandement, et n'eussent été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde vous auriez suivi al-shaytan à part quelques-uns d'entre vous. » Et le shaykh veut dire que ceci est un verset qui découle du verset évoqué plus tôt dans la sourate les appartements al-hujurat, le verset qu'il a expliqué le shaykh dans son introduction à ce cours. C'est ce verset découle de ce dernier, qui est la base dans cela. Et pourquoi le shir nous dit que ceci est un verset qui en découle et qui est une ramification plutôt de la base, et la base de cette bienséance, le fait de s'enquérir de la véracité d'une nouvelle, qui est le verset évoqué plutôt dans Surat al-Hujurat, les appartements, car ici dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous enquérir de l'authenticité d'une nouvelle qui a rapport avec une situation rassurante ou une situation alarmante. C'est-à-dire c'est quelque chose de plus particulier ici. La base est le verset évoqué dans Sourate Al-Hujurat, les appartements, qui est un verset à portée plus générale pour l'ensemble des informations, le fait de s'enquérir de la véracité, de l'authenticité, de l'ensemble des informations. Et ici, dans ce verset, pour un certain type d'informations, ces informations qui ont attrait à une nouvelle rassurante, ces informations qui seront rassurantes ou alarmantes. Et le shir de nous dire que ce qui est voulu ici, ce sont les informations qui ont attrait à la politique, des choses politiques, des choses importantes, des affaires importantes qui ont rapport avec la paix et la guerre, des informations importantes qui ont attrait à la politique, qui ont attrait à la politique d'intérieur des pays, aussi une politique extérieure des pays, une politique entre les pays eux-mêmes, des choses très importantes. Et le Cheikh nous rapporte ici une parole de l'imam Cheikh Al-Fouzan, Hafidahullah Ta'ala, qui dit dans le sens approximatif et avec, comme nous l'a dit le Cheikh, une manière, il l'a rapporté cette parole à certains moments dans le sens, il s'est permis de changer certains points dans cette parole, et nous allons rapporter cette parole dans le sens et résumer, où Cheikh Al-Fouzan, Hafidahullah Ta'ala, dit qu'il est impératif, obligatoire pour le musulman de s'enquérir de l'authenticité, de la véracité d'une nouvelle, et qu'il lui est interdit de se précipiter au fait de la diffuser. Il est interdit pour lui de se précipiter à la diffusion de cette nouvelle, mais plutôt il est obligatoire pour lui de s'enquérir de la véracité de cette dernière, et ceci pour l'ensemble de la communauté, pour les gens de la masse de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Fouzan de dire qu'il n'est pas permis pour certaines personnes de la communauté, les gens de la masse, les gens qui ne sont pas des gens spécialisés dans cela, il leur est interdit de rentrer dans ce genre d'affaires, les affaires qui ont attrait à la sécurité, à la peur, c'est-à-dire quelque chose qui a attrait aux nouvelles rassurantes ou alarmantes, comme ici dans le verset, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, une nouvelle alarmante ou rassurante. Et ceci, comme nous le dit Cheikh Al-Fouzan, fait partie des spécialités des savants et des gouverneurs. Ces choses-là, il est interdit aux gens de la masse de rentrer dedans, d'en parler, de discuter, de se disputer à propos de ces dernières. Mais il leur est interdit de cela. Il leur est interdit de faire cela. Mais plutôt, c'est une spécialité des savants et des gens à qui il appartient le gouvernorat des musulmans. Le shir de dire pourquoi cela, pourquoi il est interdit aux gens de la masse de rentrer dans cela, car ces derniers ne sont pas spécialisés dans cela et qu'ils ne comprennent pas ces choses comme ils se doivent. Ils ne comprennent pas les choses comme ils se doivent et qu'ils n'ont qu'une petite partie de la vérité en ce qui concerne ces choses-là. Car ils ne sont pas spécialisés, on ne leur dit pas forcément tout. Ils n'ont pas forcément toutes les informations entre les mains pour pouvoir se permettre de parler dans cela. Ils n'ont pas atteint aussi un degré de science et de spécialité dans ces choses-là. Mais que ce sont des gens de la masse, ce ne sont pas des gens spécialisés qui leur permettraient de parler dans ces affaires qui sont des affaires très importantes qui touchent l'ensemble de la communauté. Et le shir de dire, shir al-Fouzan, de dire que cela fait partie des spécialités des gens, des gouverneurs, de ceux qui détiennent les gens qui détiennent les rênes, qui tiennent les rênes des musulmans et de leur pays. Et le shir de dire que en eux il y a le bien, il y a la suffisance. C'est-à-dire le fait qu'eux s'occupent de ces affaires et parlent de ces affaires, eh bien, cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin que n'importe qui parle en disant n'importe quoi sur ces affaires. Et le shir de terminer en nous disant que si ces affaires-là étaient ouvertes pour tout le monde, qu'on pouvait disputer se disputer sur ses affaires, si on pouvait discuter de ses affaires, eh bien, cela aurait corrompu et perverti la relation qu'il y a entre les gouverneurs et les gouvernés. Cela aussi aurait perverti et corrompu la relation qu'il y a entre les gouverneurs, entre les gouverneurs eux-mêmes, les gouverneurs des pays, entre eux. Et cela aurait aussi perverti et corrompu la relation qu'il y a entre l'ensemble des gens, gouverneurs, gouvernés, d'intérieur du même pays, comme avec des gens d'autres pays. Ensuite, le Cheikh nous a rapporté une partie de l'exégèse de l'imam Ibn Kathir sur ce verset de Surat al-Nisa, le verset qui est la base du cours d'aujourd'hui, où il dit Rahmatullahi alayhi, al-Hafiz Ibn Kathir, dans son exégèse, il dit que Allah tabaraka wa ta'ala ici interdit et réprouve le fait que les gens se précipitent vers des choses sans qu'ils ne se soient enquéris de les vérifier auparavant, sans qu'ils n'aient pris soin de les vérifier et de vérifier leur authenticité au préalable. Ils se précipitent vers ces choses-là, ils se précipitent de les diffuser, de les transmettre, et parfois ces informations n'ont pas de base et ils ne sont pas vraies, plutôt sont de fausses informations. Et Al-Hafidh Ibn Kathir a rapporté dans son exégèse la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, qui se trouve dans l'introduction du recueil authentique de l'imam muslim, rahmatullahi alayhi, que le Cheikh Adil Sayyid nous a évoqué au début du cours, cette parole dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, il suffit à une personne pour être un menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Et aussi, Al-Hafiz ibn Kathir a rapporté dans son exégèse cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il interdit de al-qil wal-qal, c'est-à-dire les on-dits. Les on-dits, un tel m'a dit, j'ai entendu, on m'a dit, les on-dits, al-qil wal-qal. Et Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, d'expliquer al-qil wal-qal, les on-dits, par le fait que, ou la personne qui fait des on-dits, c'est la personne qui rapporte beaucoup de nouvelles, des choses qu'il entend des gens, sans s'enquérir de l'authenticité de cette parole, et sans même réfléchir sur cette parole qu'il va rapporter. Le fait même qu'il l'ait entendue, il la rapporte. Au moment même où il l'a entendue, il la rapporte, sans même comprendre cette parole dernière. Aussi, il rapporte cette ce hadith, qui est un hadith, comme nous le dit le Cheikh, notre Cheikh Cheikh Adil Sayyid. Donc Ibn Kathir rapporte ce hadith dans son exégèse de ce verset, et le Cheikh Cheikh Adil Sayyid de dire que c'est un hadith qui est très long, qui se trouve dans le Bukhari et Muslim. Il est rapporté d'une manière très longue, c'est un hadith qui est très très long. C'est ce hadith qui est rapporté par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, où lorsqu'il a entendu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répudié ses femmes, il s'est empressé de venir le voir, dans ses appartements, de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses appartements, de venir le voir. Car dans le hadith, pour bien comprendre le hadith, il a été, vous savez que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait marié sa fille Hafsa au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le début du hadith, il était parti voir donc sa fille en premier lieu pour lui demander, cette dernière qui lui dit, radiallahu anha, notre mère, Hafsa, qui lui dit qu'elle ne sait pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a véritablement répudié ses femmes. Et à partir de là, il s'est empressé d'aller dans pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est rentré dans la mosquée, comme rapporté ici dans l'exégèse de Ibn Kathir. Il est rentré dans la mosquée et il a vu les gens qui étaient réunis autour du minbar du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier qui s'était mis à l'écart dans un endroit qu'on appelle en arabe al-mashruba. Al-mashrub ou al-mashruba, c'est l'endroit où une personne se met à l'écart pour méditer et réfléchir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était mis à l'écart dans cet endroit. Et Omar ibn Khattab, lorsqu'il est venu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé les gens qui étaient réunis autour du minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui pleuraient et qui disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répudié ses femmes, qui était une grande épreuve pour eux, pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils pleuraient et Omar ibn Khattab leur demandait, ensuite il leur dit qu'il allait rentrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est rentré auprès de lui, il lui a demandé s'il avait répudié ses femmes et il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam non, dans une version du hadith où comme dans Sahih de l'imam al-Bukhari où il rentra trois fois, il rentra une fois, le prophète ne lui répondit pas, une deuxième fois il retourna auprès des gens qui étaient auprès du minbar. Une deuxième fois, le prophète ne lui répondit pas. Il retourna auprès des gens auprès du minbar. Une troisième fois, c'est à partir du moment où il lui répondit non. Et le hadith, il est très long. Il y a beaucoup de bienfaits, de leçons à tirer de ce hadith. Et Omar, lorsqu'il lui dit non, il dit, il fait le takbir, il dit Allahu Akbar. Et dans le sahih de l'imam al-Bukhari, comme il dit Al-Hafidh ibn Kathir, ici, il l'a rappelé en entier. Et dans Sahih de l'imam muslim, comme nous le dit le shir ici, comme le rappelle Ibn Kathir dans son exégèse, dans Sahih de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut interrogé par Omar, est-ce que tu les as répudiés? Et il répondit sallallahu alayhi wa sallam, non. Et à partir de là, Omar est venu à la porte de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé d'une voix forte en disant, ou il a lancé cet appel d'une voix forte en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répudié ses femmes. Et à ce moment-là, ce verset est descendu, ce verset qui est le thème du cours d'aujourd'hui, qui est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse. S'il l'a rapporté au messager, au détenteur du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés ou à appris la vérité de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des détenteurs du commandement, et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi Shaytan, à part quelques-uns. Ceci était donc la cause de la révélation de ce verset, et Omar de dire, et je faisais partie de ceux qui ont été éclairés dans cette affaire. Puis le shir de nous expliquer quel est le sens de yastanbitunahu, ici traduit par ceux qui ont été éclairés, alladina yastanbitunahu minhum, donc ceux qui ont été éclairés qui cherchaient à être éclairés. Eh bien notre shir nous explique qu'en est-il, quel est le sens de ce mot, et il a expliqué d'un sens littéraire, donc qui ne convient pas de traduire ici, ou plutôt qui est même difficile de traduire ici. Ensuite, le shir de nous rapporter que Ibn Hajar, dans son livre Al-Fath, Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, a dit que parmi les leçon à tirer de ce hadith, il y a le fait qu'une nouvelle, une information, lorsqu'elle se propage, eh bien même si il y a un grand nombre de personnes qui la rapportent, eh bien cela ne veut pas dire forcément que cette information sera véridique, comme ici dans ce hadith où plusieurs parmi les sahaba étaient venus informer Omar et avaient dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répudié ses femmes. Ils étaient même réunis autour du minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils pleuraient. Eh bien, cela ne veut pas dire, même si cette parole s'était répandue dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il y avait beaucoup de gens qui rapportent cette parole, cela ne montrait pas que cette parole était véridique. Et Ibn Hajar rapporte dans son explication de ce hadith qu'il est possible que les gens qui ont rapporté cette nouvelle à la base étaient des hypocrites. Les gens qui ont rapporté cette nouvelle à la base étaient des hypocrites. Et ensuite, les gens, les musulmans, ont pris cette parole et l'ont rapportée sans chercher à savoir si cette parole était véridique ou non. Et le shir nous appelle à méditer sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette histoire qui est l'histoire de l'ifk, c'est-à-dire le mensonge qui a été dit sur notre mère, qui a été inventé sur notre mère Aisha radiallahu anha, et que Allah tabaraka wa ta'ala l'a innocenté dans cette sourate qui est sourate Nour, la lumière, la sourate numéro 24. Et dans ce verset, le shir nous appelle à méditer sur ce verset qui est le verset numéro 15 de cette sourate, sourate Nour, qui est la sourate numéro 24, la lumière, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ses paroles, quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Le shir nous appelle à méditer sur cette parole où Allah Azzawajal dit dans le sens approximatif de ces paroles, quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce que vous n'aviez aucun savoir. Le shir nous appelle à méditer sur la manière qu'a Allah tabaraka wa ta'ala d'exprimer cela dans son livre, le Qur'an. Il dit, colportiez avec vos langues et vous disiez avec vos bouches, vous rapportiez avec vos bouches. Cela, comme nous le dit le shir, cela, le rapporter simplement, l'avait entendu et le rapporter directement avec leur langue et leur bouche, sans même réfléchir à la véracité, sans même s'enquérir en premier lieu de l'authenticité de cette nouvelle, et sans même réfléchir à l'information en elle-même. Plutôt, ils le rapportent avec leur bouche et avec leur langue, sans réfléchir à cela. Et le shir de nous dire que malheureusement, de nos jours, beaucoup de nos frères tombent dans cela, le fait de rapporter des nouvelles sans s'enquérir de l'authenticité de ces dernières, et en grand particulier sur ces programmes internet de les programmes de comme ils appellent ça, les programmes comme le Facebook, réseaux sociaux. Comme sur ces réseaux sociaux, exactement cela. Le shir nous dit que malheureusement de nos jours beaucoup de nos frères tombent dans cela, et en grand particulier sur les réseaux sociaux, c'est à dire qu'il a entendu une parole ici et il la met sur son endroit sur ses réseaux sociaux comme le Facebook, etc. Et cette parole se propage d'une rapidité hallucinante. Et elle se propage chez tout le monde. Pour qu'au final, nous nous apercevions que cette information était fausse. Et le chef nous exhorte à faire bien attention dans cela. Barakallahu fikum. Le chef nous dit que ce verset de Surat al-Nisa, qui est la base du cours d'aujourd'hui, les savants ont deux paroles sur ceux sur qui elle est descendue. Est-ce que cette, la première parole est le fait que ce verset est descendu sur les hypocrites qui se trouvaient à Médine? Et ça, c'est l'avis de Ibn Jarir, At-Tabari, Imam al-Mufassirin, où il voyait donc que ce verset était descendu sur les hypocrites, s'adresser aux hypocrites. Et la deuxième parole des gens de science est que ce verset s'adressait aux faibles parmi les croyants, ceux qui étaient faibles dans leur foi et qui pratiquaient cette chose-là, le fait de diffuser les paroles sans s'enquérir de l'authenticité de ces dernières. Et le chir de nous dire que ce qu'il voit, lui, c'est aussi une parole qui est rapportée de certains parmi les savants, qui est que il n'y a pas de mal que ce verset soit descendu sur cela et cela. C'est-à-dire qu'il soit descendu sur les hypocrites et aussi sur les croyants. Et sur les croyants faibles, comme autres que faibles, c'est-à-dire que, pourquoi le chir dit cela? Car cette chose-là, le fait que lorsqu'une nouvelle rassurante ou alarmante parvient à nous, nous la diffusons. Cette chose-là est une chose qui se retrouve chez les hypocrites, mais aussi chez les musulmans. Et chez les musulmans qui sont faibles, chez les croyants faibles, comme les croyants qui sont moins faibles. C'est quelque chose que personne n'est à l'abri. Ou c'est une chose dont personne n'est à l'abri. Donc le chir voit que ce verset s'applique à tout le monde. Et il n'y a pas de mal à ce que ce verset soit descendu pour tout le monde. Car comme il le dit, l'ensemble des gens profitent des enseignements dans ce verset et se réforment selon ce qui est descendu dans ce verset. Et le chir nous dit que cela est descendu donc sur l'ensemble des croyants, ce verset sur l'ensemble des croyants, comme aussi sur les hypocrites, mais sur l'ensemble des croyants, sans les... sans dire qu'il est descendu sur l'un d'entre eux en particularité, c'est-à-dire on dit qu'il est descendu sur l'ensemble des croyants, sans particulariser l'un sans l'autre. Et le chir de dire, et bien sûr, donc ce verset est descendu comme il le dit sur l'ensemble des croyants, sans dire que en particularité pour ceux qui étaient faibles, comme ceux qui n'étaient pas faibles pour une certaine partie de la communauté, sans être descendu sur une autre. Et sur aussi les hypocrites, et le chir nous dit bien sûr, car les hypocrites sont des imams dans cette porte, dans le fait de répondre les nouvelles sans s'enquérir de la véracité, même s'ils s'enquérissaient du mensonge de cette nouvelle, ils la répondraient quand même, ce sont des imams dans cette porte-là. Donc à plus forte raison, ce verset est descendu pour eux sur eux. Le chir nous dit que malheureusement, l'ensemble des gens aiment le fait de savoir, de s'enquérir et de rechercher et d'être curieux de savoir ce qui se passe chez son voisin, d'être curieux de savoir ce qui se passe en général. Et cela est une maladie, comme nous le dit le chir. C'est une maladie qui s'est répandue. Et le chir nous dit que certains d'entre eux, parfois, ce n'est pas le fait de chercher à savoir et d'être curieux, d'avoir une certaine curiosité, c'est surtout pour pouvoir apparaître aux yeux des gens comme étant quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui connaît les choses cachées, la face cachée des choses. Donc, il est curieux, il apprend de par-ci et de par-là pour pouvoir en parler lorsqu'il est dans des réunions et se faire passer pour quelqu'un qui connaît les choses cachées, les choses qu'il n'y a que lui qui le saurait. et pouvoir parler et se disputer et discuter à propos de ces choses-là. Et malheureusement, le cheikh me dit que c'est une chose qui est bien répandue chez les gens de la masse, le fait qu'ils ont cet amour de savoir ce qui se passe par exemple en politique, d'avoir cette curiosité et de parler, de se disputer, d'avoir un discours à propos de cela et de rentrer dans des disputes à propos de cela, des choses qui ont attrait à la politique, à la politique intérieure du pays ou extérieure du pays, chose qui est blâmable, que Allah Azzawajal l'a blâmé dans ce verset comme nous l'avons vu précédemment. Et le chef de nous expliquer après cela le verset, une explication qui, lorsque nous lisons le sens approximatif de ces versets, nous trouvons l'explication que le chef nous a expliquée, car il a expliqué mot par mot ou expression par expression, comme lorsqu'il explique le fait qu'il la diffuse, le fait qu'il diffuse cette nouvelle chez les gens, auprès des gens, ils le disent à, ils le répandent. Et le cheikh de nous dire d'après ce verset que ce qui est impératif pour le musulman, c'est que lorsqu'il lui arrive ces nouvelles qui sont alarmantes ou rassurantes, que doit-il faire? Allah Azza wa Jalla ici nous a éduqué dans ce verset et nous a expliqué comment faire. Il nous a dit, s'il l'a rapporté, dans le sens approximatif de ses paroles, s'il l'a rapporté aux messagers, aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité. Donc le comportement qu'il y a à avoir lorsqu'il nous vient ces nouvelles, qui sont alarmantes ou rassurantes, c'est de le rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le cheikh veut dire cela lorsqu'il était vivant, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il, après sa mort, donc comme aujourd'hui, il nous convient de le rapporter donc à qui? Aux détenteurs du commandement parmi nous. Ces détenteurs du commandement, ce sont eux qui sont spécialisés dans l'explication et dans la compréhension de ces nouvelles qui sont alarmantes ou rassurantes. Et le chir de nous dire que les détenteurs du ce qui est voulu ici, donc Ulil Amr dans le Coran et dans la Sunna, ce sont les gouverneurs et ce sont aussi les gens de science. Et ce qui est voulu ici, le chir nous dit comme cela, ce qui est voulu ici, ce sont les gens qui détiennent le gouvernera parmi les musulmans, c'est-à-dire les gouverneurs des musulmans, c'est vers eux qu'il faut rapporter ces nouvelles. Il ne faut pas chercher à interpréter ces nouvelles, ni les diffuser, plutôt il faut revenir vers cela, c'est-à-dire les gouverneurs des musulmans. Car ce sont eux, les gouverneurs des musulmans, comme nous le dit le Chir, qui sauront se comporter de la meilleure manière par rapport à ces nouvelles qui seront rassurantes et alarmantes et qui sauront nous aiguiller, nous orienter de la meilleure des manières. Et le Chir nous dit, comme cela, nous pouvons malheureusement voir que, en notre temps, ces jours-ci, il y a beaucoup de paroles qui se diffusent, des paroles très graves qui peuvent entraîner un grand mal. Parmi ces paroles, des paroles et des nouvelles qui ont attrait à ou qui sont en relation avec, par exemple, l'armée, comme le fait que certains disent que l'armée ce sont des menteurs, ce sont des traîtres, l'armée sont avec les juifs de l'État juif, communément appelé Israël. Et le chir de dire cela, hormis le fait de la fausseté de ces paroles, c'est une chose qui rentre directement dans l'interdiction de ce verset, ou qui se trouve dans ce verset. Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit d'après le verset qui est le thème de ce cours. Ensuite, le chef veut nous dire que à la fin du verset, Allah Azza wa Jalla dans son approximation de ses paroles, il dit c'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde vous aurez suivi à Shaytan à part quelques-uns d'entre vous. Et le chir de nous dire avant cela, excusez-moi, avant cela, le Cheikh nous a dit que les gens de Oulul Amr, les gens qui détiennent le commandement parmi nous, ceux-là sont de deux sortes, ou plutôt qu'ils sont, ils sont de plusieurs degrés. Ils sont de plusieurs degrés, pardon. Et ce ne sont pas toutes les personnes, donc il y a deux paroles chez les gens de science, soit nous rappelons ces nouvelles, soit nous ramenons ces nouvelles alarmantes ou rassurantes aux gens qui détiennent le commandement parmi nous, n'importe quelle personne des gens qui détiennent le commandement. Et une autre parole des gens de science, c'est que les gens qui détiennent le commandement sont de plusieurs degrés. Donc ce n'est pas n'importe quelle personne qui détiendra le commandement parmi nous vers qui nous nous tournerons au moment où il nous parviendra une nouvelle alarmante ou rassurante. Mais plutôt, nous nous tournerons vers ceux qui auront cette prédisposition à, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset, « Alladina yastanbitunahum minhum », donc qui est traduit communément par « ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés ». Donc, ce ne sont pas tous les gens qui détiennent le commandement qui sont décrits par ce verset, mais plutôt, ce sont ceux qui sont spécialisés dans certaines et certaines spécialités, c'est-à-dire, comme par exemple, ceux qui sont spécialisés dans ce qui a rapport avec les jugements, la loi, ceux qui sont spécialisés dans ce qui a trait à la sécurité et la sûreté du pays, ceux qui sont spécialisés dans les points militaires, c'est-à-dire les militaires et l'état-major d'un pays. Eh bien, ceux-là, nous reviendrons vers eux en fonction de leur spécialité. Et le Chir voit que cette parole-là, c'est la parole qui est la parole la plus proche de la vérité. Puis, le Chir nous explique et termine sur cela, sur cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc la fin du verset, dans le sens approximatif de ces paroles, et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi Ash-Shaytan à part quelqu'un d'entre vous. Donc le chef doit nous dire que si ce n'était pas cette grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, ainsi sa miséricorde, eh bien Al-Munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites, auront eu un effet sur nous, un effet néfaste sur nous. Et cet effet, donc comme le chef nous l'a rappelé par le passé, certains parmi les gens de science disent que ce verset est descendu sur les munafiqin, sur les hypocrites, et le chef a vu que c'était descendu sur l'ensemble des gens, mais que les hypocrites font partie des imams dans cela, dans cette porte, le fait de répondre et de diffuser les nouvelles sans savoir leur authenticité. Eh bien, le Cheikh nous dit que si ce n'était la grâce d'Allah Azza wa Jalla et sa miséricorde sur nous, nous aurions été touchés par les hypocrites et ils auront eu un effet néfaste sur nous. Et ainsi, nous serions du nombre des égarés, de ceux que Shaytan aura égarés, et du nombre de ceux qui l'auront suivi Shaytan comme ce verset, à part un petit nombre d'entre nous. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.